L'adultère. Si vos femmes commettent l'action infâme, l'adultère, appelez quatre témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elles, enfermez-les dans des maisons jusqu'à ce que la mort les visite ou qu'Allah leur procure un moyen de salut. Vous infligerez à l'homme et à la femme adultère 100 coups de fouet à chacun. Que le supplice ait lieu en présence d'un certain nombre de croyants. Un homme adultère ne doit épouser qu'une femme adultère ou une idolâtre, et une femme adultère ne doit épouser qu'un homme adultère ou un idolâtre. Ces alliances sont interdites de croyants. Ceux qui accuseront d'adultère une femme vertueuse, sans pouvoir produire quatre témoins, seront punis de 80 coups de fouet. Au surplus, vous n'admettrez jamais leur témoignage en quoi que ce soit, car ils sont pervers. Ceux qui accuseront leur femme et qui n'auront d'autres témoins à produire qu'eux-mêmes, jureront quatre fois devant Allah qu'ils disent la vérité, et la cinquième fois pour invoquer la malédiction d'Allah sur eux s'ils ont menti. On n'infligera aucune peine à la femme si elle jure quatre fois devant Allah que son mari a menti, et la cinquième fois en invoquant la malédiction d'Allah sur elle si ce que le mari a avancé est vrai. La répudiation ou le divorce, qui est le titre de la sourate 65. Si une femme craint la violence de son mari ou son aversion pour elle, il n'y a aucun mal à ce qu'il s'arrange à l'amiable. La réconciliation vaut mieux. Les hommes sont portés à l'avarice. Si vous êtes bienfaisant et craignant Allah, il sera instruit de vos actions. Les femmes répudiées laisseront écouler le temps de 3 menstrues avant de se remarier. Elles ne doivent point cacher ce qu'Allah a créé dans leur sein, si elle croit en Allah et au jour dernier. Il est plus équitable que les maris les reprennent quand elles sont dans cet état, s'ils désirent la paix. Les femmes, à l'égard de leur mari, et ceux-là, à l'égard de leur femme, doivent se conduire honnêtement. Les maris sont supérieurs à leurs femmes, Allah est puissant et sage. Sourate 65, donc, intitulée Le divorce. Ô prophète, ne répudiez vos femmes qu'au terme marqué. Comptez les jours exactement. Avant ce temps, vous ne pouvez ni les chasser de vos maisons, ni les en faire sortir, à moins qu'elles n'aient commis un adultère prouvé. Tels sont les préceptes d'Allah. Celui qui les transgresse perd son âme. Vous ne savez pas si Allah ne fera pas surgir une circonstance qui vous réconciliera avec elle. Dernière série de préceptes dans les rapports hommes-femmes, l'héritage. Si ceux qui meurent laissent des femmes, elles doivent attendre 4 mois et 10 jours. Ce terme expiré, vous ne serez point responsable de la manière dont elles disposeront honnêtement d'elles-mêmes. Allah est instruit de ce que vous faites. Ceux d'entre vous qui mourront, laissant après eux leurs femmes, leur assigneront un legs destiné à leur entretien pendant 1 année, et sans qu'elles soient obligées de quitter la maison. Si elles la quittent d'elles-mêmes, il ne saurait résulter aucun péché pour vous de la manière dont elles disposeront honnêtement d'elles-mêmes. Allah est puissant et sage. Allah vous commande, dans le partage de vos biens entre vos enfants, de donner au fils mâle la portion de 2 filles. S'il n'y a que des filles, et qu'elles soient plus de 2, elles auront les 2/3 de la succession. S'il n'y en a qu'une seule, elle recevra la moitié. La moitié des biens d'une femme, morte sans postérité, appartient au mari, et 1/4 seulement, si elle a laissé des enfants, les legs et les dettes prélevées. Les femmes auront 1/4 de la succession des maris morts sans enfants, et 1/8 seulement, s'ils en ont laissé, les legs et les dettes prélevées. Ô croyants, il ne vous est pas permis de vous constituer héritiers de vos femmes contre leur gré, ni de les empêcher de se marier quand vous les avez répudiées, afin de leur ravir une portion de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne soient coupables d'un crime manifeste.